attendu toute l'année. Arrive enfin l'été, on a tout préparé, on ne va rien rater. Commencez par charger la moto, il faut le faire comme il faut, ne pas en mettre trop, sinon tu pars à volo. La liste est prête et c'est parti. Des raquettes de tennis et des pipeaux, des shirts, des chemises, des chaussettes, des pantoufles, des serviettes, des claquettes, des talons, des jarrets, des tomates, des jardins, l'arsenal et les baskets, des draps, des maillots, du fond de toilette, une place pour les combis de pluie, c'est plus que des casquettes et la boulette. Qui c'est qui a la boulette? La boulette, putain, la boulette, merde. Tu la place. Veuillez mener la boulette c'est sur Macron. Scène, s'il vous plaît. C'est Macron qui a pris la boulette, je le sais. Macron, la macronique. C'est Macron. Macronique, putain. Je le savais. Y a pas la boulette, y a pas la place. Je le savais. Y a pas la place, c'est plein. Merci. Même la casquette.